Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 27 avril, nous souhaitons une bonne fête aux Zita, ça vient du grec, lettre alphabétique. C'est une lettre alphabétique si vous ne le saviez pas. Zita est un personnage assez contradictoire puisque marqué par deux chiffres opposés, le 1 et le 2, c'est-à-dire un côté indépendant et autoritaire, actif, et un autre dépendant, conciliant et passif. Ses influences contraires lui donnent un caractère cyclotimique. Et elle apparaîtra plutôt insaisissable. Ses tendances antagonistes peuvent cependant s'harmoniser. L'on pourra dire alors qu'elle a une main de fer dans un gant de velours, à l'écoute des autres. Elle est aussi considérablement intéressée par elle-même. Elle oscille entre don de soi et égocentrisme. Sa sensibilité, bien que très forte, peut ne pas toujours être évidente. En effet, elle tente à refouler ses émotions au point d'être accusée de froideur, de distance, voire d'insensibilité. D'autant qu'elle n'aime pas montrer sa fragilité et sa vulnérabilité. Attention, ne vous méprenez pas. Orgueil, fierté, dignité et attitude forte sont en réalité une façade. Dicton du jour à la Sainte Zita, le froid ne dure pas. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale du design graphique créée par la fondation Icograda. En Afrique du Sud, c'est le jour de la liberté ou fête de la liberté qui commémore les premières élections libres post-apartheid organisées en 1994. Aux Pays-Bas, à Aruba, Curaçao, Saint-Martin, c'est fête nationale ou jour du roi depuis 1949. Sierra Leone, c'est la fête de la République et au Togo, c'est la fête de l'indépendance. Ça s'est passé un 27 avril 1848, abolition de l'esclavage en France. 1946, création de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, INSEE, par la loi de finances. 1960, indépendance du Togo. 1961, indépendance de la Sierra Leone. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec Anne Peebles et son titre I Can Stay in the Wind. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Hey, window pane, remember how sweet it used to be when we was together. Everything was so great. Now that we parted, just one sound that I just can't stand. I can't stand. Stand the rain against my window, 'cause he's not here with me. When we was together, everything was so great. I can't stand the rain. Rain, against my window pane. Touch me now, rain. Playing with my mind, playing with my heart, rain. Oh, against my window. Anne Pebel sur RGM, 8h38, on est toujours dans la matinale et on va parler maintenant anniversaire. Ils sont nés un 27 avril 1932, naissance d'Anouk Aimé, actrice française vue dans la Dolce Vita, Lola, un homme et une femme dans le rôle de Anne Gauthier qui lui a d'ailleurs valu un Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique. Elle a repris ce rôle dans Un homme et une femme 20 ans déjà, vue également dans Le saut dans le vide dans le rôle de Marta Ponticelli qui lui a valu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. 1942, naissance de John Shrapnel, acteur britannique vu dans Les 101 Dalmatiens, Coup de foudre à Notting Hill, Gladiator dans le rôle de Gaius ou encore dans le film 3 dans le rôle de Nestor. 1947, naissance d'Anne Peebles, chanteuse américaine. 1951, naissance de Ace Frehley, musicien américain qui fut guitariste du groupe Kiss de 1973 à 1982 et de 1996 à 2002. Et en souvenir du groupe Kiss, on va s'écouter leur tube I Was Made for a Love. Loving you. Voilà pour l'extrait du groupe Kiss. Allez, on continue les anniversaires. 1953, naissance d'Ariel Dombas, l'actrice chanteuse française, vue dans Je te tiens, tu me tiens par la Barbichette, Un Indien dans la ville, Astérix Obélix contre César, dans le téléfilm Les Frangines, Albert est méchant, vue à la télé dans Scène de ménage, Doc Martin ou encore Fais pas ci, fais pas ça. 1967, naissance de Willem Alexander, roi des Pays-Bas. 1976, naissance de Sally Hawkins, actrice britannique, vue dans Blue Jasmine, en 2014 dans Godzilla dans le rôle du docteur Vivienne Graham, dans Paddington 1 et 2 dans le rôle de Madame Brown ou encore La Forme de l'eau. 1984, naissance de Fabien Gillot, nageur français qui aux Jeux Olympiques a remporté une médaille d'or sur le 4x100m nage libre, c'était en 2012 à Londres. Il compte également deux médailles d'argent, toujours sur 4x100m nage libre, remportées en 2008 et 2016. En championnat du monde, Grand Bassin, il compte trois médailles d'or, deux d'argent, quatre 4 de bronze. En petit bassin, 2 d'or, 1 d'argent et 1 de bronze. En championnat d'Europe, grand bassin, 3 médailles d'or, 3 d'argent et 3 de bronze. Et championnat d'Europe, petit bassin, 1 médaille d'or et 1 d'argent. C'est également l'année de naissance de Patrick Stumpak, chanteur américain, membre du groupe Fall Out Boy. 1985, naissance d'Horacio Zeballos, joueur de tennis argentin, professionnel depuis 2003, qui ensemble a été 39e mondial en 2013, 8e de finaliste à Roland-Garros, 32e de finaliste à l'US Open, 64e de finaliste à l'Open d'Australie et Wimbledon. En double, il a été 28e mondial le 19 mars de cette année, demi-finaliste à Roland-Garros et à l'US Open, 8e de finaliste à l'Open d'Australie, 16e de finaliste à Wimbledon. Et en 2010, il a remporté une World Team Cup. 1986, naissance de Kelly Boschenko, mannequin et actrice française, apparue dans Boulevard du Palais ou encore Crossing Lines. C'est également l'année de naissance de Jenna Coleman, actrice britannique, vue dans Captain America First Avenger dans le rôle de Connie, dans la série télé Doctor Who dans le rôle de Clara Oswald ou encore dans la série Victoria dans le rôle de la reine Victoria. C'est aussi l'année de naissance de Dinara Safina, ancienne joueuse de tennis russe qui a fait carrière de 2000 à 2011, qui a été numéro 1 mondial d'avril à octobre 2009. Elle a été 2 fois finaliste à Roland-Garros, 1 fois à l'Open d'Australie, demi-finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open. En double, elle a été 8e mondiale. Elle a gagné 1 fois l'US Open. Elle a été quart de finaliste à l'Open d'Australie et 8e de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à Wimbledon. Et aux Jeux Olympiques, elle a remporté une médaille d'argent en simple. C'était en 2008. Et en Fed Cup, elle a gagné 1 fois. C'était en 2005. 1987, naissance d'Alexandra Lacrabert, handballeuse française, qui joue depuis 2016 au club de ZRK Vardars-Gobs. Et en équipe de France, à noter qu'elle est médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de 2016 en championnat du monde. Elles ont remporté une médaille d'or en 2017, une médaille d'argent également à leur actif et en championnat d'Europe, 2 médailles de bronze. C'est également l'année de naissance de William Moseley, acteur britannique connu pour son rôle de Peter Pevensie dans la trilogie Le Monde de Narnia, vu dans la série télé Perception et The Wilds dans le rôle du prince Liam Hemsworth. 1992, naissance d'Eliott Berton, hockeyeur sur glace français qui a joué à Genève, à Bienne et depuis 2016, il joue pour le club d'Ambrì-Piotta. 1995, naissance de Nick Kyrgios, joueur de tennis australien, professionnel depuis 2013, qui a été 13e mondial en 2016, quart de finaliste à l'Open d'Australie et Wimbledon, 16e de finaliste à Roland-Garros et à l'US Open. Et en 2016, il a remporté une Hopman Cup. Et à noter qu'en 1521, décédé Fernando Magellan, explorateur portugais. Allez, petite pause. On va écouter Porqué Te Vas, repris par Ariel Dombal. Y en Porqué te vas, interprété par Ariel Dombal sur le 107 FM. Il est un peu plus de 8h47, je vais même dire presque 8h48, et il est temps pour nous de parler météo. La météo. Très belle journée qui s'annonce aujourd'hui ensoleillée, normalement pas un seul nuage à l'horizon. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 19 et 21 degrés cet après-midi. Pour samedi et dimanche, le soleil sera accompagné de quelques nuages, mais on aura des températures tout de même très agréables. Un samedi, elles seront comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 16 et 18 degrés l'après-midi. Et pour dimanche, ce sera des températures comprises entre 9 et 10 degrés pour dimanche matin et entre 20 et 22 degrés prévus pour dimanche après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Football Europa League demi-finale aller Marseille Salzbourg, avantage Marseille puisque l'OM s'est imposé 2-0 hier soir, des buts signés Tovin et Niger. Et l'autre demi-finale opposée Arsenal à l'Atlético Madrid, match nul, un but partout, but signé Lacazette pour Arsenal et Griezmann pour l'Atlético Madrid. Les demi-finales retour auront lieu jeudi prochain. Allez, en Ligue 1 ce soir, Montpellier reçoit Saint-Etienne, samedi Lyon recevra Nantes, Bordeaux Dijon, Lille Metz, Monaco Amiens, Strasbourg Nice, Troyes Caen, dimanche Rennes recevra Toulouse, Angers Marseille et le Paris Saint-Germain clôturera cette journée en recevant le club de Guingamp. En Ligue 2 ce soir, Nancy reçoit Tours, en National 2 Raon-l'Étape recevra ce week-end Chilty Game et Épinal se déplacera à Jura Sud. Un petit mot de basket maintenant, en NBA cette nuit l'équipe de Boston de Yabusele s'est inclinée face à Milwaukee 97-86. Un petit rebond seulement pour le joueur français. Il y aura donc un match numéro 7 et ce sera samedi. A noter que ce soir, ou plutôt cette nuit, il y aura le match 6 entre Washington, l'équipe de Miami et Toronto. Je vous rappelle que Washington est mené 2-3 dans cette série. Et l'Utah Jazz affrontera l'Oklahoma dans ce match 6 également. Avantage Utah qui mène 3-2. Du côté de chez nous, en Pro B, Nancy se déplace à Le Havre ce soir et en National 1, le Jet Vosges reçoit le club de Chartres. Ah, il y aura de la Formule 1 ce week-end avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan. En tennis, eh bien, c'est pas franchement folichon pour nos joueurs français. À Budapest, il n'y a déjà plus de Français en compétition avec l'élimination hier de Lucas Pouille en 2-7 face à Milman, 6-3, 6-4. À Barcelone, élimination de Manarino en 3-7 face à Carreno Busta, 6-2, 4-6, 7-6. Nadal s'est qualifié en 2-7 face à Garcia Lopez, qualification en 2-7 également de Thiem face à Kovalik. Et Dimitrov, lui, s'est qualifié en 3-7 face à Jaziri. Au programme d'aujourd'hui, Thiem affrontera Tsitsipas, Dimitrov se repose à Carreno Busta, Nadal à Clizan et Goffin à Bautista Agut. À Istanbul aujourd'hui, Pauline Parmentier affrontera Wozniacki et à Stuttgart, Caroline Garcia qui s'est qualifiée hier en 3-7, 6-1, 3-6, 7-5 face à Kostyuk, affrontera aujourd'hui Svitolina. Et on va terminer avec du hockey sur glace. On va d'abord parler, allez, une bonne nouvelle. En NHL, cette nuit, l'équipe de Las Vegas de Pierre-Édouard Belmar s'est imposée 7-0 dans ce premier match des quarts de finale face au club de San Jose. Il y a des matchs amicaux ce week-end pour l'équipe de France dans le cadre de la préparation au championnat du monde. Ça se passe en Slovaquie ce soir et demain. À noter les retours dans l'effectif bleu de Nicolas Bèche et de Stéphane Dacosta. En conséquence, Elliot Berton et Romain Gutiérrez quittent donc le groupe France. Et on va parler des Gameo, hein. Je pense qu'on va en parler pendant encore un bon moment. Et on a appris que Arnaud Briand et Quentin Fauchon évolueraient sous les couleurs de Chamonix la saison prochaine. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec le groupe Fall Out Boy et leur titre « Thanks for the Memories ». Gonna make it bend and break. Say a prayer but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the keys. Boy sur RGM, ça fait du bien en ce vendredi matin. Il est presque 8h56, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. Alors, à 9h, il y aura un épisode de Ours et Carottes, 10h, deuxième épisode d'Ours et Carottes, 13h30, la rediffusion de la chronique BD, 14h, rediffusion de J'ai aimé, je vous le lis, 15h, rediffusion de Jazz Time de Radio Déclic, 17h, billet de sortie, 18h, rediffusion de L'heure des loups avec Lou qui était consacré à Le Tio Grimpe. À 21h, ce sera soit Vincent, soit François. Et quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. Et oui, je vais faire un petit break, on va faire le pont. Et donc du coup, c'était tentant, je vous l'avoue. Allez, on se retrouve donc le mercredi 2 mai. Et oui, on sera déjà au mois de mai. Ça passe décidément très vite. Et si vous êtes en vacances, si vous partez en week-end, eh bien, profitez bien de ce magnifique week-end qui nous attend. Allez, je vous donne rendez-vous mercredi matin. Ciao, bye bye.